les arrivons et vive. 2 avril 2025, carapatage numéro 85, les carabrèves. Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage entre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire. En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages. Bonsoir, vous êtes dans l'émission Carapatage comme tous les premiers et troisièmes mercredis du mois de 20h30 à 22h. Pour nous écrire, c'est au 4 Villain Stendhal 75 020 Paris, par mail à carapatage@riseup.net. Vous pouvez aussi nous trouver sur Instagram au compte Carapatage et sur notre blog pour réécouter les émissions précédentes sur carapatage.noblog.org. Et si vous voulez nous appeler pendant l'émission, c'est au 01 43 71 89 40. Donc moi c'est Yentel, avec moi il y a... Coucou, c'est Henri. Et à la technique... Salut, c'est Avril. Ce soir, une émission qui s'appelle Les Carabrèves, pour parler de l'actualité de la répression, des luttes contre l'enfermement, des violences pénitentiaires... Et des prisons coloniales, autrement dites, en Outre-mer. Et des nouvelles lois qu'on nous élabore jour après jour pour toujours plus de contrôle. On commence par une petite partie agenda avant de passer au reste de l'émission. Yentl, t'as un petit festival à nous annoncer. Ouais, c'est le festival des digitales, donc c'est la 6e édition. Donc ça aura lieu du 4 au 6 avril et cette année le thème c'est la défense des squats. Ça se déroulera au squat La Kunda à Vitry-sur-Seine qui est menacé d'expulsion puisque la fin de la trêve hivernale c'était hier. Et pour défendre les derniers squats et lieux de vie et de lutte en Ile-de-France. Donc ça commencera à partir du vendredi 4 avril à 16h à La Kunda, c'est au 51 boulevard Stalingrad à Vitry-sur-Seine. Il y aura plein d'animations et un carnaval samedi dans l'après-midi et ça durera jusqu'au dimanche 6 dans la soirée. Et le lendemain, le 7 à Paris à la Bourse du Travail à 19h, il y a un meeting pour la libération des prisonniers kanak. Donc c'est dans la salle ENAF à 19h à la Bourse du Travail et on en reparlera un peu plus tard dans l'émission parce qu'on va faire un point sur l'enfermement en kanaki. Il y a aussi la situation de Gino, qui est un militant antifa dont on vous a déjà parlé dans l'émission. Il était incarcéré à Fresnes depuis plusieurs mois. Donc heureusement, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 26 mars dernier, mais il reste quand même sous le coup d'une mesure d'extradition vers la Hongrie, où il risque 24 ans de prison. La Cour d'appel de Paris va rendre son délibéré concernant son extradition le 9 avril. Il y a un appel à un rassemblement en soutien à Gino devant la Cour d'appel de Paris à midi le 9 avril. Et pour finir, on vous annonce une présentation et discussion contre l'extractivisme et la guerre. Avec des témoignages de personnes qui vont venir parler des mines, du lien entre les mines et la guerre et des luttes autour de ces mines-là. Ce sera à la Trotteuse, samedi 12 avril à 16h30. La Trotteuse, c'est au 61 rue Charles Nodier à Pantin. Il y aura aussi une exposition de photos de lutte contre les mines en Équateur et au Portugal, ainsi qu'une cantine à 20h. Le lendemain, le 13 avril, à 15h, il y aura un infokiosque antimilitariste pour prolonger la discussion de la veille à la place de la mairie à Montreuil. Et on va commencer par parler de quelques exemples de lutte contre l'enfermement qui ont eu lieu récemment, de diverses manières. La première, par des enfermés eux-mêmes, dans la nuit du 1er avril, deux adolescents de 14 et 17 ans, enfermés au centre éducatif de Bavinchoff dans le Nord, auraient mis le feu à un chiffon avant de le jeter sur une véranda de cette tôle pour enfants. Et le feu s'est ensuite propagé à la toiture du centre éducatif fermé, pardon, qui sera fermé en juin. Donc bon débarras, ce sera déjà une tôle de moins. Et les deux mineurs enfermés ont été placés en garde à vue pour cet incendie, donc force à eux. Moi, je voulais vous parler de plusieurs actions contre l'enfermement qui ont eu lieu à Caen, à Nantes et à Montreuil. La première à Caen, donc c'était le mercredi 19 mars à la fac de Caen, au campus 1, à destination des étudiants de l'UFR de droit, d'administration des économiques et sociales et administration publique. Il y a eu la perturbation d'une rencontre, d'une présentation des métiers et concours de l'administration pénitentiaire présenté par le capitaine pénitentiaire Frédéric Lenoir. Et donc le tract qui raconte ça dit: la prison ça pue, perturbation à la fac de Caen. Nous y sommes allés pour jeter des œufs pourris, des boules puantes ainsi que des tracts anticarcéraux. Nous avons eu le plaisir de constater que la salle était quasi vide, peut-être aidée par la disparition répétée des affiches annonçant la conférence. On a été inspiré par l'action qui a eu lieu à Lyon le 18 mars, à Lyon 3, avec la directrice de la prison de Corba qui a aussi été perturbée puis annulée. Le tract dit aussi: pensée chaleureuse pour la manif anticarcérale de samedi 22 mars à Toulouse et crève la tôle. Donc ça, c'était pour la première action qui a eu lieu à Caen. Ensuite, à Nantes, le vendredi 14 mars, il y a eu un blocage de l'entreprise Aegis, une entreprise qui participe à la construction du CRA qui est en projet à Nantes. Aegis, c'est donc une boîte d'études et de construction qui participe à ce projet de CRA dont le but est d'enfermer 140 personnes en plus et de créer un CRA dans un département qui n'en a pas pour le moment. Donc l'action a donné lieu à un blocage qui a empêché les employés d'entrer pour travailler. Et avec ce blocage, il y a eu un collage géant pour répondre à la question « Mais pourquoi bloquer Aegis ?» Et je vous lis les réponses. Aegis collabore au centre de rétention. Aegis est au cœur de l'affaire présumée en Serbie qui a provoqué la mort de 15 personnes et entraîné un mouvement populaire qui dure depuis 4 mois. Aegis a été dénoncé par l'ONU pour son implantation illégale dans des territoires palestiniens occupés. Aegis a obtenu plusieurs contrats pour construire des lignes de tramway qui traversent Jérusalem-Est afin de desservir des colonies israéliennes. Aegis construit des prisons du nucléaire, des drones. Aegis est impliqué dans des affaires de corruption en France, au Yémen, au Gabon et partout dans le monde. Stop Aegis. Et le tract finissait par cet appel: nous appelons à intensifier la pression contre cette multinationale de la construction à Nantes et ailleurs, et particulièrement à Rennes, où se trouve l'antenne responsable du projet. Nous invitons de nouveau les employés de cette entreprise à remettre en question par les moyens qui, elles, trouveront adaptés l'engagement d'Aegis dans ce projet liberticide au service du racisme d'État, à propos de la construction du CRA. Et l'appel a été entendu à Montreuil plus tard dans le mois, où Aegis a reçu la visite et le collage bien costaud sur les vitres de son immeuble, de l'immeuble où l'entreprise a ses bureaux, pour mettre tout le monde au courant du sale business de cette boîte. Voilà pour des nouvelles bien réjouissantes. On continue avec un sale mois pour les matons dont on a eu vent via le blog Dinguerie. Ouais, donc c'est une petite sélection de vengeance et de résistance contre les matons recensés entre mi-février et mi-mars. Souvent, les informations sont trouvées via des syndicats de matons, donc on peut admirer leur prose et l'intitulé de certains de leurs tracts de merde. Donc, pour commencer, une tentative d'évasion à Toulouse. Dimanche 23 février dernier, aux alentours de 20h30, lors d'une extraction médicale d'un prisonnier enfermé à Seyss sur l'hôpital de Purpan, composé de deux agents pénitentiaires, l'extraction pas l'hôpital, hein, on a dit c'est la prose des matons. Un détenu a essayé de prendre la poudre d'escampette. Revenons sur les faits. Juste avant de passer la radiographie de son doigt, celui-ci s'est mis à courir dans le couloir de l'hôpital avec les menottes au poignet. Les deux surveillants engagent la course-poursuite afin de le stopper dans sa fuite. Mais le détenu saute du premier étage et se retrouve directement au rez-de-chaussée, 7 mètres de hauteur entre les deux paliers. Suite à l'échec de son évasion, le détenu va se montrer agressif et va même proférer des menaces envers les flics et les matons. Donc bien tenté, mais dommage. Ensuite, il y a des matons qui nous ont parlé d'une action des prisonniers à Montmédy. Et donc, ils parlent d'une révolution au centre de détention. Le 1er mars 2025 a commencé un début de révolte à la prison de Montmédy. Tout a commencé par une demande de renfort pour une bagarre entre personnes détenues. Les matons y sont allés pour essayer d'extraire le détenu blessé, mais un autre détenu a tenté de lui prendre son trousseau de clés. Malheureusement, les matons ont réussi à sortir de l'aile sans blessure, à part le choc psychologique. La sectorisation de tout le bâtiment B1 a eu lieu non sans difficulté avec le 263 où s'étaient barricadés les détenus, y compris en bloquant les chemins d'intervention et en ayant mis de l'huile sur le sol. Un détenu attendant les collègues avec une arme par destination, en l'état, un câble électrique. Finalement, après d'âpres négociations, les détenus ont été réintégrés et le blessé évacué. Donc hélas, la révolution n'est pas advenue au centre de détention. Et enfin, à la prison d'Avignon, Le Ponté, le samedi 8 mars vers midi, un détenu mécontent à la structure d'accompagnement vers la sortie a décidé de mettre le feu à sa cellule. Le détenu avait déjà fait parler de lui quelques jours auparavant en proférant des menaces et des insultes envers le personnel. Après l'avoir extrait de la cellule et l'avoir placé dans la cellule dite disciplinaire de la SAS, ce détenu a totalement détruit la pièce, laissant à vue la ferraille de renfort. Donc bravo pour les travaux. Pour le reste, on mettra, c'était que une petite sélection de la cuvée de février-mars. Donc on mettra le lien de l'article sur le blog qui s'appelle « Salmois pour les matons ». Et il y a aussi d'autres mésaventures qui sont arrivées à des matons autre part en France, notamment lors d'une partie de loto dans la soirée du 21 mars à la prison de Gradignan. Avait lieu le loto de l'amicale des personnels pénitentiaires de la prison. Alors que le jeu se déroulait, des explosions étaient entendues à l'extérieur. Il s'agissait des pneus et réservoirs d'essence de plusieurs voitures incendiées qui éclataient sous la chaleur des flammes. Au total, 3 véhicules stationnés sur le parking jouxtant la prison ont été entièrement détruits. 2 autres ont été endommagés malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers. Une bonne soirée en somme. Je me rends compte que j'ai oublié de parler d'un collectif qui s'est monté à Goussainville contre la construction d'un nouveau CRA. Donc c'est un autre CRA, 240 places, qui fait partie du plan de construction de 11 nouveaux CRA en France, dont avec l'objectif donc d'atteindre 3000 places supplémentaires. Ce nouveau CRA en projet à Goussainville, il est aussi situé, comme le Mesnil-Amelot, à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. On note le collectif que vous retrouverez sur Internet, note que la mairie et l'opposition s'y opposent parce que le lieu qui a été choisi, c'est une ancienne caserne de CRS au centre-ville. Donc ça les dérange que ce soit en plein milieu du bourg, mais ils ne sont pas évidemment contre l'enfermement de manière générale. Ce collectif contre les CRA de Goussainville s'organise à Goussainville. Il y a déjà eu un rendez-vous le 14 mars à 11h au marché. On espère qu'il y en aura d'autres à venir et on vous les annoncera si c'est le cas. Voilà, et puis pour finir sur la section maton de notre petit bulletin, il y a un ancien chef de bâtiment de la santé qui a été condamné à de la prison ferme pour agression sexuelle et viol sur un ancien prisonnier. Pour des faits qui se sont passés au sein de la prison et dans son propre bureau. Il a été condamné à de la prison ferme et on note comment les matons font abus de leur pouvoir vis-à-vis des prisonniers de plein de manières différentes. Ici, il y avait aussi la question de l'ascendant de l'âge, puisque le maton a 25 ans de plus que le prisonnier. Et on note aussi qu'il avait que des faits similaires sur des collègues à lui plus jeunes avaient été signalés quelques années auparavant, mais que rien n'avait été fait par l'administration pénitentiaire. Voilà, et tout ça pour dire que dans la suite de l'émission, on va faire un point sur les violences pénitentiaires qui se sont passées dans différentes prisons ces derniers temps, donner des nouvelles de prisonniers qui luttent contre ça. Mais juste avant, on va écouter « Going to Hell in a Little Black Dress » de Too Crispy. Men should be men, ladies should be ladies. Life's only purpose is to make more babies. Life's only purpose is to make more people. Normal people, stay in your lane, people. Today I found out I'm an abomination. A man in a wig, an unholy mutation. It turns out that I am a horrible gobble. It's even written down here in the Bible. Going to hell in a little black dress. Going to hell with a pair of fake breasts. Going to hell because I deserve it for being so motherfucking gender perverted. So many roles that I didn't know. But baby, the patriarchy's getting overthrown. Why can't I put on a dress and do a little dance? Ladies, you're not allowed to wear pants. Going to hell in a little black dress. Going to hell. So fucking gender perverted. Going to hell in a little black dress. Going to hell with a pair of fake breasts. Going to hell because I deserve it for being so fucking gender perverted. On est de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages, le premier et troisième mercredi du mois. On est dans l'émission Les Carabrèves et on va inaugurer une partie autour des violences pénitentiaires. Et on voudrait commencer par un appel au soutien pour les proches d'Idir. Donc Idir, c'est une personne qui avait été tuée en prison il y a quelques années et là, son frère s'est lui-même fait enfermer. Ouais, c'est Idir Medeiros qui est mort au mitard de la prison de Corbas en 2020, dans des circonstances qui sont toujours restées troubles et sa famille n'a pas cessé de se mobiliser depuis et se bat encore avec l'association Espoir Idir Solidarité. Sauf que cette fois, le frère d'Idir est incarcéré à Épinal, dans l'est de la France. Et sa famille, déjà bien accablée, a besoin de soutien financier pour assurer les frais de déplacement depuis la région de Lyon et aussi les frais de justice, vu qu'il est en détention provisoire et donc pas encore jugé. Ils ont une cagnotte qu'on va mettre en lien sur notre blog. Et tout soutien est bienvenu. Pour faire le lien avec cette histoire-là, on voulait dire aussi quelques mots sur la mort suspecte d'un prisonnier au quartier d'isolement de la prison de Rennes. Ouais, ça s'est passé début mars. Un prisonnier de 35 ans a été retrouvé mort dans sa cellule du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Il était au quartier d'isolement. L'administration pénitentiaire évoque un suicide par pendaison. Mais sa famille n'y croit pas et a remarqué des traces de coups sur son corps. Et voilà, ça a été très peu médiatisé et relayé. Donc c'est peut-être un appel à si quelqu'un nous entend et a des informations, on peut relayer cela. On a aussi vu que l'hôpital de Troyes avait été condamné suite à la mort d'un prisonnier de 19 ans en 2019. On est dans un cas typique d'enchaînement de violences prison, police, hôpital, vu que ce prisonnier est décédé d'une crise cardiaque après avoir commencé à convulser dans sa cellule. Il a été transféré à l'hôpital. Et en fait, à l'hôpital, d'abord, on lui a administré des calmants. Et ensuite, comme il a été jugé trop agité par l'équipe soignante, il et elle ont appelé la police qui est venue et lui a mis des coups de taser alors qu'il était déjà dans un état de santé très compliqué. Et donc, suite à ça et à l'administration de nombreux médicaments, ainsi qu'à visiblement un manque de soins et d'attention, il a fait une crise cardiaque. Donc, la justice a reconnu l'hôpital comme étant responsable, mais en écartant la responsabilité de la police qui bah, aussi participé à ce décès, quoi. Et pour clore cette section violence pénitentiaire, on voulait vous passer la lecture d'une lettre de Fabrice Borromé, qui est élu dans l'Envolée il y a quelques temps. Fabrice Borromé, c'est un prisonnier guadeloupéen qui est enfermé depuis 2010 et qui a été déporté en métropole en 2011. Depuis lors, il réclame d'être transféré en Guadeloupe pour pouvoir être soutenu et visité par ses proches. Et ses demandes n'ont jamais été entendues par l'administration pénitentiaire, ce qui a mené à ce qu'il prenne plusieurs fois en otage des matons. Et depuis, l'administration pénitentiaire s'acharne contre lui, ce qui a été l'origine de nombreux transferts, toujours en métropole, et du déclenchement de beaucoup de problèmes de santé. Ça fait maintenant 14 ans qu'il demande à être transféré, et actuellement il est à la maison centrale de Vendin-le-Vieil, où il subit de nombreuses injures et agressions racistes de la part des surveillants, qui par exemple le comparent à un singe, entre autres d'un gris. Raciste. Du coup, on vous passe cet extrait de l'Envolée et vous en apprendrez plus dans l'émission du 28 février de l'Envolée, si ça vous intéresse. Bon, du coup, c'est Fabrice Borromé qui nous écrit de la centrale de Vendin le 13 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Je voulais dire qu'il y a quelques jours, je faisais de la boxe dans la salle et comme tout vrai boxeur, on pousse des cris afin d'aller au maximum de sa puissance. Et le chef de détention de Vendin est rentré dans le bâtiment et a dit qu'il ferme sa gueule, Borromé, et nous casse les couilles. Et là, je l'ai vu et je lui ai demandé pourquoi. Il me dit de fermer ma gueule. Il m'a dit que comme je suis sourd, je me fais des films. Il n'a jamais dit ça, et j'ai mal compris. Et comme toujours, il se croit au-dessus des lois. Et sache que ce chef de détention ne m'a jamais aimé à Vendin, vu qu'il me refuse tout ce que je demande à Vendin, parce qu'il était là en 2015, quand j'ai pris le directeur en otage, et que j'ai pris 6 ans de prison, voilà quoi. Tout ce que j'espère, c'est qu'un jour, je pourrai rentrer chez moi en Guadeloupe, et revoir ma famille, profiter de ma culture, et les bons plats de chez moi, comme le colombo de poulet, ou de porc, avec du riz, le madère avec le ragoût de porc, la banane jaune avec la morue, le gâteau tourment d'amour coco et de goyave, et d'ombré avec des queues de cochon. Et le rhum local, tant que ça me manque depuis là 15 ans. Et je garde espoir. Bon les amis, prenez soin de vous et que le soleil du bonheur réchauffe vos cœurs. D'accord. L'ami papillon. Bah écoute, merci beaucoup. Voilà, donc c'était une lettre de Fabrice Borromé issue de l'émission L'Envolée. On avait aussi envie de la passer ce soir parce qu'on a prévu une petite partie sur les prisons coloniales dites en outre-mer de la France, quoi. Et du coup, ben c'est des cas assez courants de personnes qui sont d'abord qui viennent de l'outre-mer entre guillemets et qui sont jugées et puis qui après se retrouvent déportées en France, comme c'est le cas de Fabrice et comme c'est aussi le cas de prisonniers Kanak dont on va parler maintenant. Pour du coup cette petite partie sur l'enfermement en Kanaky, on en avait déjà parlé par rapport aux événements qui avaient eu lieu en mai dernier, donc au mouvement de révolte anticoloniaux. Et en tout cas, c'était l'occasion de redire que en Kanaky, il y a proportionnellement 3 fois plus de places de prison qu'en Hexagone. Et il y a un nouveau centre pénitentiaire qui est prévu pour 2032 là-bas, dans un territoire qui a une forte histoire pénitentiaire, vu qu'à la base, c'est une ancienne colonie pénitentiaire de la France. et dans un endroit où il y a toujours eu une répression coloniale, avec un surenfermement des militants indépendantistes jusqu'à une génération entière de militants enfermés dans les années 80, et de manière générale des Kanaks. On estime qu'il y a, que les Kanaks représentent 90% des prisonniers du territoire. Parce que la répression policière et judiciaire les frappe d'autant plus dans la droite lignée de l'histoire d'enfermement et de bagne du lieu. Certains sont transférés, c'est-à-dire déportés en France et donc à 17 000 km de chez eux, ce qui rend très difficile le soutien reçu des proches et les visites. Sur place en Kanaky, les conditions de détention elles sont très difficiles à la prison de Nouméa, aussi appelée camp Est, avec certains prisonniers qui sont enfermés dans des conteneurs de bateaux transformés en cellules. Récemment, il y a une prison qui a ouvert à Koné, mais comme c'est tout le temps le cas, elle n'a pas réduit la surpopulation, mais elle a permis d'augmenter le nombre de personnes derrière les barreaux. Ces dernières années, les peines alternatives ont augmenté, et là encore, ça n'a pas vidé les prisons, mais permis de contrôler plus de personnes, de mettre plus de personnes sous main de justice. Cette situation-là, elle s'est aggravée en mai dernier, donc suite à la révolte, puisque la révolte elle a donné lieu à 2500 gardes à vue et plus de 200 incarcérations. Une mutinerie et un incendie à Caen Est. Donc, suite à cette mutinerie, il y a 60 prisonniers qui ont été transférés en métropole sans même qu'ils ne soient au courant et que leur famille soit prévenue, et la plupart du temps contre leur gré. Donc il y a eu à la fois la déportation des prisonniers indépendantistes voilà, dans la droite lignée d'une pratique coloniale, et à la fois la déportation de prisonniers qui n'étaient pas là pour des raisons de lutte contre l'indépendance, en tout cas de manière directe, et qui eux ont été déportés pour des raisons de manque de place. Voilà, donc ça c'est des infos qui se retrouvent dans le dernier numéro du magazine de l'OIP de manière plus détaillée si ça vous intéresse, mais ça nous semblait intéressant de partager ça, toutes ces infos-là quoi. Et je crois que ouais, au moment des mutineries à la prison de Caen Est, il y avait aussi eu des prisonniers envoyés à La Réunion. Ce qui n'est pas non plus la porte à côté. Pas du tout. Et je me souviens que quelques mois avant toute cette période de révolte, Dupond-Moretti avait inauguré là, le nouveau centre de détention super grand, et avait dit que c'était probablement le plus grand investissement de l'État en Kanaky, ce qui en dit long aussi sur le projet de la France. Et tout ça, c'est dans un contexte où, du coup, ben, il y a Valls qui a été nommé nouveau ministre des Outre-mer, avec en charge de gérer la question du coup de la Nouvelle-Calédonie, à savoir le fait qu'il y a une grande partie de la population qui demande l'indépendance et une autre partie issue descendant de colons qui la refuse. Voilà, donc, enfin, c'est des enjeux qu'on va continuer à essayer de suivre. Et en tout cas, force aux Kanaks qui luttent pour leur indépendance et dont certains se retrouvent en tôle, quoi. Ouais, et même au-delà de la tôle, en ce moment, il y a des mesures antisociales qui sont prises, notamment dans la Provence Sud, qui est dirigée par Sonia Bakes, qui est donc pro-colon. Et dans les coins où il y a eu le plus d'émeutes, elle prend des mesures pour supprimer les aides à la cantine, au transport scolaire, etc. Encore des trucs de punition collective, comme on retrouve à pas mal d'endroits. Et par rapport à la question du lien entre la question coloniale en France et les prisons, on a aussi eu des nouvelles sur l'enfermement en Guyane et en Guadeloupe. Yentl, tu voulais nous en parler ? Ouais, je voulais parler d'un rapport du Comité européen contre la torture qui s'est intéressé à différents lieux d'enfermement en Guyane et en Guadeloupe. Donc ils ont visité différents lieux d'enfermement, des prisons, des CRA, des commissariats, des HP. C'est une visite qui a été effectuée fin 2023 et le rapport il est sorti qu'en mars dernier. Mais il y a quand même des choses qui sont vrai sur le long cours. On pourrait déjà parler de la particularité du traitement des mules, entre guillemets, donc les personnes qui sont accusées de transporter de la drogue en l'ingérant. Et ça concerne beaucoup de femmes guyanaises qui sont criminalisées pour ça. Et donc le comité précise qu'au CHU de Guadeloupe, au moment de leur visite, les personnes gardées à vue pour ces motifs devaient trier les capsules de drogue à la main une fois que elles avaient rejeté les capsules de leur corps, ce qui est une forme de torture et un traitement complètement inhumain. Dégueulasse, voilà. Aussi, il y a un surenfermement qui est encore pire qu'en métropole. Au moment de la visite de ce comité européen contre la torture, fin 2023, les prisons de Guadeloupe et de Guyane avaient un taux d'occupation qui dépassait 225%. En métropole, ce taux d'occupation était de 127%, à peu près au même moment. Il y a des problèmes d'insalubrité chronique, d'accès à l'eau potable, pas toujours garanti, mais ça c'est un problème global dans les dites outre-mer. Il relève aussi des cas de prisonniers attachés à des objets fixes comme des lits ou des brancards de jour comme de nuit. Alors concernant la Guyane, il n'y a qu'une prison là-bas, c'est le centre pénitentiaire de Rémire Montjoly qui est absolument surpeuplé. Mais la seule solution proposée, ce serait la construction d'un second centre pénitentiaire à Saint-Laurent-du-Maroni, qui aurait 505 places d'ici à 2027. Et on le sait, il sera suroccupé dès son ouverture. En revanche, en Guyane, il y a plusieurs CRA, parce qu'il y a des enjeux de contrôle de frontières assez forts. Et notamment, beaucoup de gens qui viennent se réfugier d'Haïti ou du Suriname. Et voilà, et pour faire un petit lien avec l'actualité, il y a une révolte au CRA de Cayenne, en Guyane, il y a plusieurs semaines. Donc, une partie du centre a brûlé suite à cela, et seule la partie réservée aux femmes est à présent fonctionnelle. Donc, il y a 12 places au lieu de 45. Et malheureusement, une personne a été condamnée suite à cet incendie. On peut aussi dire que fin février, deux retenues sont évadées d'un autre CRA en Guyane, celui de Matoury. L'un a été vite rattrapé et l'autre serait a priori à jour toujours en cavale. Donc force à lui. Et voilà des solutions contre le surenfermement. Et pour finir cette section prison coloniale, on avait envie de faire un petit retour historique avec une chronique sur le camp d'enfermement de Shark Island dans l'actuelle Namibie, qui a existé au début des années 1900 et qui était aussi surnommée l'île de la mort. Donc quand les Européens se sont partagés le continent africain comme on se partage un gros gâteau et comme si c'était le nôtre, les Allemands ont réussi à obtenir ce qu'est aujourd'hui la Namibie. C'est un pays du sud-est du continent, frontalier de l'Afrique du Sud. Comme ailleurs, la colonisation y a été brutale. Les Hereros et les Nama, les deux différents peuples natifs, ont été arnaqués par les Allemands qui ont réussi à s'approprier leurs terres. Quand ceux-ci ont voulu se défendre, au début du XXe siècle, ils ont fait face à une grosse répression tournant très rapidement à un génocide qui a décimé 50% des Nama et 80% des Hereros. En premier lieu, il s'agissait d'une politique dite de nettoyage de la brousse, où les points d'eau ont été empoisonnés par les colons allemands ou interdits d'accès. Et ensuite, la deuxième phase de cette répression et ce génocide, ça a été l'enfermement concentrationnaire qui a eu lieu à Shark Island entre 1905 et 1907. Shark Island, c'est une bande de terre qui a été transformée en camp de concentration où 80% des personnes qui ont été emprisonnées sont mortes en raison de la violence, de la malnutrition et de la dureté du travail imposé, notamment la construction d'infrastructures donnant lieu à de nombreux décès chaque jour. Une fois décédés, les corps, principalement les crânes de certains Hereros et Nama, ont été envoyés en Allemagne pour servir à la recherche scientifique et au développement de théories racistes qui commençaient à devenir à la mode à ce moment-là. Et les prisonniers du camp étaient à ce titre forcés de retirer la chair de ces crânes afin que les os tel quel soit envoyé en Allemagne. Et à ce jour, certains de ces crânes sont encore en Allemagne alors que la Namibie réclame leur restitution. Et dans la droite lignée de ce qui se fera plus tard pendant la Seconde Guerre mondiale, un scientifique en a profité pour, par ailleurs, faire des tests sur les prisonniers en leur injectant, par exemple, la tuberculose ou la variole. Dans cette histoire, les dirigeants allemands, aux manettes de cette répression, de ces morts massives, ont plus tard été des dirigeants nazis, très haut dans la hiérarchie, notamment celle des jeunesses hitlériennes. Et à ce titre, Shark Island a sûrement servi aux Allemands, à la veille des années nazies, d'espace d'entraînement pour mettre en place des techniques d'annihilation et de mort. Et on se dit que c'est important de faire connaître cette histoire coloniale, et de la mettre en lien avec le reste de l'histoire allemande des années 30 et 40, qui est un peu plus connue. Cette histoire, je peux vous la raconter, car j'ai récemment vu le spectacle Piste de Penda Diouf, qui met en parallèle l'histoire coloniale de la Namibie et celle de l'autrice, née en France, de parents sénégalais. Encore aujourd'hui, les conditions de vie sont difficiles en Namibie. De nombreuses personnes y vivent en bidonville, pendant que les terres continuent d'être accaparées par les descendants des colons allemands. On va faire une petite pause musicale et on écoute PD de Camion Bip Bip. C'est pas la première fois que t'as parlé et que mes girls sont pas appréciés, non mais combien de fois faut le répéter, c'est à toi de fermer ton clapet, c'est trop demandé que tu respectes les lesbiennes et les pédés. C'est quand tu comprends pas que tu veux grogner, regarde sur internet et va chier. Je vais te mettre au lit. C'est pas la première fois que t'as parlé et que mes girls n'ont pas apprécié. Non mais combien de fois faut le répéter, c'est à toi de fermer ton clapet, c'est trop demandé. Respect les lesbiennes et les pédés. C'est quand tu comprends pas que tu veux grogner, regarde sur internet et va chier. Va chier, va chier, va chier, va chier, va chier. Vous êtes de retour dans l'émission Carapatage contre toutes les cages jusqu'à 22h comme tous les premiers et troisièmes mercredis du mois. Donc rappel, pour nous contacter, vous pouvez nous écrire au 4 Villa Stendhal 75 020 Paris par mail à carapatage@riseup.net. On a un compte Instagram qui s'appelle Carapatage et un blog carapatage.noblogs.org. Et pour nous appeler en direct pendant l'émission, c'est au 01 43 71 89 40. Donc on reprend le fil de notre émission sur les caras brèves et on va parler des dernières lois sécuritaires qui sont sorties. Et Henri, le Sénat s'est intéressé au vote des prisonniers récemment. Ouais, les sénateurs s'inquiètent du vote des prisonniers et donc ils ont fait voter une loi pour mettre fin au vote par correspondance des prisonniers pour les municipales et les législatives, c'est-à-dire les élections locales. Alors cette possibilité de voter par correspondance, elle existait depuis 2019, avec le vote par correspondance dans le chef-lieu du département d'implantation de l'établissement pénitentiaire. Cette possibilité, elle a fait nettement augmenté le taux de participation des prisonniers, 22% aux européennes et 19% aux législatives de 2004, parmi les 57 000 prisonniers qui ont le droit de vote. Et parmi ces 22% et 19% de participation, la grande majorité des prisonniers ont voté par correspondance, 90%. Parce qu'en fait, les autres possibilités, c'est soit de demander une permission de sortir, autant dire c'est mort, de sortie, pardon. Et la deuxième possibilité, c'est la procuration, ce qui est aussi un peu compliqué à mettre en place. Sauf que le problème des sénateurs vis-à-vis de tout ça, c'est que dans les départements où il y a beaucoup de prisonniers, ça peut représenter jusqu'à 5% des électeurs de la ville du chef-lieu, quoi, où ils pourraient voter par correspondance. C'est le cas à Tulle, à Bar-le-Duc, à Arras, à Melun, à Évry-Courcouronnes ou à Basse-Terre, par exemple. Donc là, ils ont commencé à flipper, quoi, genre pour qui vont voter les prisonniers aux prochaines municipales, par exemple. Parce que rendez-vous compte, à Lille, aux dernières municipales, ça s'est joué à 227 voix près. Or, il y a 400 détenus qui pourraient voter à Lille par correspondance. En langage sénatorial, on appelle ça risque de déstabilisation de l'expression démocratique. En langage carapatage, on appelle ça censure des prisonniers. Donc, parce que nous, on va pas se mentir, le vote, c'est pas trop notre tasse de thé. Mais que ce soit des sénateurs qui décident de si les prisonniers peuvent voter ou non, au risque qu'ils votent trop à gauche, vous voyez, ça craint un peu, non ? Alors, pour les prisonniers qui veulent voter, reste la procuration dans la commune de résidence d'un proche ou, comme on l'a dit, demander une permission de sortie. Après, la loi va aller à l'Assemblée nationale, donc rien n'est fait. We keep in touch. Et pour parler d'un tout autre sujet, dans la dernière émission, on avait évoqué l'expulsion de près de 400 mineurs isolés de la Gaîté Lyrique, qui était occupé depuis cet hiver faute d'hébergement par le département de Paris. Donc depuis, comme la mairie de Paris n'a toujours pas proposé de solution pour que les jeunes puissent avoir un toit sur la tête, ils en sont à devoir dormir dehors, mais c'est pas encore suffisant puisque la préfecture veut multiplier les arrêtés d'expulsion contre les camps de personnes réfugiées qui se forment à Stalingrad ou sur les quais de Seine. Et c'est exécuté quelques jours après par les flics qui viennent au petit matin détruire les tentes et les affaires de mineurs, y compris en recours de minorités. Donc une véritable chasse à l'enfant dans Paris, dans une certaine indifférence. Mais justement, je voulais vous parler d'un rassemblement pour soutenir ces mineurs isolés qui s'organisent avec le collectif des jeunes du parc de Belleville. Il y a un rassemblement demain, le jeudi 3 avril, à 15h devant le rectorat de Paris. C'est 19 boulevard d'Indochine dans le 19e arrondissement. Car certains jeunes mineurs isolés subissent aussi des entraves dans leur droit à être scolarisés. Et donc ils veulent rappeler leur demande au rectorat, le droit d'aller à l'école aussi. Pour continuer sur cette section loi sécuritaire et répression, il y a une loi dont on n'a pas beaucoup entendu parler contre les droits des voyageurs et des voyageuses, c'est la loi Albertini. Ouais, je reprends mes notes. Donc la loi Albertini, du nom d'un député Horizon, donc je sais pas, c'est une nuance de droite. Bref, elle va être présentée demain à l'Assemblée nationale. Elle est soutenue par le gouvernement et une partie de d'autres LR, Ciotti, l'extrême droite, etc. Au nom d'une réforme de l'accueil, c'est en fait une loi contre les droits et le mode de vie des voyageurs et des voyageuses. Pour la résumer, en bref, elle prévoit par exemple le doublement des amendes forfaitaires délictuelles liées à une installation illicite sur un terrain. Elle autorise la confiscation d'un véhicule qui sert d'habitat et elle introduit un nouveau motif d'expulsion fondé sur le préjudice écologique, ce qui est assez pernicieux et qui pourrait permettre l'expulsion de familles, y compris sur le terrain dont elles sont propriétaires. Et c'est pernicieux dans le sens où ça touche des personnes particulièrement précaires et on sait qu'il n'y a pas assez d'aires d'accueil en France, que beaucoup de départements ne se conforment pas à la loi et qu'en termes de préjudice écologique, c'est bien les voyageurs et les voyageuses qu'ils subissent le plus quand on sait dans quels endroits elles sont reléguées. Mais ça, ce n'est que dans la droite lignée de toutes les nouvelles idées, notamment celle de Darmanin, qui est de repérer les étrangers condamnés et expulsables pour pouvoir, par exemple, qu'ils soient expulsés avant leur peine. Ouais, ou à un moment de leur peine. Enfin voilà, j'explique encore, Darmanin veut mettre des gens dehors. Donc il a encore pris une nouvelle circulaire pour appeler les procureurs et les directeurs de tôle à repérer, entre guillemets, dénoncer, les prisonniers étrangers qui seraient éligibles à une expulsion du territoire français. Et donc ça concernerait que les étrangers qui sont définitivement condamnés, et il veut recourir pour ça à ce qui s'appelle les libérations conditionnelles expulsion. Donc le prisonnier étranger doit avoir purgé la moitié de sa peine en France et à faire l'objet d'une interdiction de territoire français. On a un petit peu expliqué ça dans une émission consacrée à la double peine, donc je vous y renvoie si vous voulez comprendre un peu le détail des ITF, OQTF, etc. Donc Darmanin souhaite aussi que les prisonniers étrangers puissent être envoyés, voilà, purger leur peine dans leur pays d'origine. Toujours cette logique croissante de délégation de l'enfermement des personnes dans des pays tiers, comme ça se fait en Italie. La France veut copier, on veut le faire ailleurs. Et l'ironie de la chose, c'est quand même que Darmanin dit agir pour contrer la surpopulation carcérale, alors que tous les jours, il nous pond des idées et il qu'augmente l'enfermement. Voilà, et il propose des lois pour enfermer plus et criminaliser davantage les étrangers dans tous les pans de leur vie. Et il y a une autre chose qu'a encore commis le Sénat. Donc le 18 mars, ils ont adopté une proposition de loi pour augmenter la durée de rétention des étrangers, qui était limitée à 90 jours maximum. Et donc là, elle va passer à 180, voire à 210 jours pour les étrangers condamnés à une interdiction du territoire français, qui ont pris une peine de 5 ans de prison ou plus, ou qui, je cite, constituent une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Donc, bon, qu'est-ce que c'est ? Et c'est encore des formes de double peine qui se multiplient et en fait qui s'alignent sur la législation antiterroriste, puisqu'une dérogation à l'allongement de la durée de la rétention existait depuis 2011, mais pour les étrangers condamnés pour des faits de terrorisme. Et là, c'est condamné à 5 ans, mais pas forcément pour du terrorisme. Mais bon, allons-y. Et il n'y a pas que Darmanin qui a des riches idées, puisque l'Union européenne travaille sur la possibilité de créer des hubs de retour, autant dire des prisons, comme tu le mentionnais il y a quelques instants, pour les étrangers hors du territoire de l'Union européenne. Donc, des hubs de retour ouverts par les États membres en dehors du territoire pour, entre guillemets, améliorer l'expulsion des personnes à qui l'asile a été refusé. Et c'est d'une part une mesure qui est poussée par les Pays-Bas et les pays scandinaves qui sont dans cette même dynamique d'expulsion, dans un contexte où par ailleurs le flux migratoire, encore une fois entre guillemets, est en baisse depuis 2021 à l'échelle de toute l'Union européenne. Donc pourquoi faire si ce n'est satisfaire les instincts fascistes et populistes ? Enfin, en baisse peut-être parce qu'aussi avec Frontex qui a toujours plus de moyens et qui n'hésite pas à sous-traiter à la Libye et à ses pratiques d'envoyer des gens crevés, ou à l'Italie avec la Tunisie, etc., c'est que les remparts sont de plus en plus solides. Mmh. Et pour finir sur cette question-là, de répression en particulier contre les étrangers, ça nous a fait penser à une proposition de loi qui est discutée en ce moment en Floride sur le travail de nuit des mineurs à partir de 14 ans. Vous allez nous dire qu'est-ce qu'est le lien avec tout ce qu'on vient de dire avant. Ben, le lien, c'est que cette proposition, elle arrive dans un contexte où il y a un manque de main-d'œuvre en raison soit des expulsions de la politique anti-migrants, soit du départ anticipé de ces dites personnes étrangères par peur de ce nouveau climat anti-migrants. Et donc, la Floride est en mal de main-d'œuvre. Et il y a cette proposition de loi pour autoriser le travail des mineurs à partir de 14 ans, entre 23h et 6h30, les jours de semaine. Et ainsi, fournir une main-d'œuvre pas chère pour des emplois souvent pénibles et peu rémunérés. Donc, à partir de 14 ans, ce serait pour les adolescents scolarisés à domicile. Et à partir de 16 ans, pour les autres. Avec une volonté d'autoriser jusqu'à 30 heures par semaine de travail, de supprimer l'obligation des pauses repas. Et ça, c'est dans un contexte où il y a déjà une dizaine de milliers de mineurs qui travaillent à mi-temps en Floride, et dans un contexte aussi où une quinzaine d'autres États états-uniens se posent la question aussi d'assouplir les règles de travail des mineurs. Et on rappelle que ce travail des mineurs concerne beaucoup plus souvent les enfants de familles pauvres que les enfants de familles riches, bien entendu. Et pour finir cette petite section, Yentl, tu voulais nous dire quelques mots sur où on en est de la réforme de la justice des mineurs, ton sujet préféré. Eh oui, si et j'allais dire le fascisme étant de toute façon incompatible avec les droits des enfants. Alors, les nouveaux rebondissements de la réforme de la justice des mineurs, le projet de Gabriel Attal, tu casses, tu répares, etc., donc, a été adopté par le Sénat. Sauf que le Sénat nous a fait un texte encore plus répressif qu'initialement. Les sénateurs ont introduit la possibilité de comparution immédiate à partir de 15 ans. Alors que ce qui était proposé dans le texte, c'était 16 ans, ce qui était déjà pas mal, vu que les comparutions immédiates, c'est particulièrement pourvoyeur de peines sévères et des choses qui sont faites et expédiées en 15 minutes. Et une autre nouveauté, alors là, c'est pouvoir infliger, je cite, des courtes ou ultra courtes peines d'une durée égale ou inférieure à un mois aux adolescents. Donc c'est à partir de 13 ans. Bon, ce que la loi prévoit déjà, sauf que, bon, en général, pour moins d'un mois, on n'incarcère pas. Et même Darmanin en était un petit peu... choqué, enfin c'est surtout parce que certains quartiers pour mineurs sont déjà saturés, donc il veut pas perdre sa crédibilité, mais je pense qu'au fond de ses convictions, il serait pas contre. Alors quelque chose d'étonnant, c'est l'emploi par certains parlementaires de l'expression « choc carcéral » qui est censé... qui s'interroge sur l'efficacité du choc carcéral. Or, choc carcéral, c'est une façon de dénoncer les effets traumatiques de la prison. Donc, quand les gens... Ça pose question. Oui, voilà, que tu perds complètement tes moyens et que tu es perdu, surtout quand tu es un enfant, et que ça peut aller jusqu'au suicide. Et ça s'est vu, bah, par exemple, au quartier pour mineurs de Villepinte. Mais apparemment, il faudrait continuer dans cette voie. Petite transition pour parler des punitions collectives contre les familles. Là, ça se passe à Mayotte. Suite à des bagarres qui impliquent des adolescents, leurs parents ont été sanctionnés par le préfet de Mayotte et certains se sont vus notifier une procédure de dégradation de leur titre de séjour, et des tractations sont en cours avec la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte pour suspendre temporairement le versement de certaines prestations sociales aux familles concernées. Donc, dans une émission récente, on avait parlé d'une tentative du préfet du Bas-Rhin de menacer des mineurs impliqués dans ce qu'on appelle des violences urbaines, de suspendre ou revoir leur titre de séjour. Mais bon, à Mayotte, on peut toujours aller plus loin, et là, on peut laisser les gens crever de faim. Bon, c'est pas grave, ça nous laisse indifférents. Donc voilà cette séquence sans fin de vengeance qu'on vit un peu depuis les émeutes suite à la mort de Noël, qui était un enfant, on le dit pas souvent, et bah, de punition contre les mauvaises familles, les mauvaises mères, des lois qui visent les familles immigrées. Et pour approfondir ce sujet, on avait aussi fait une expulsion sur une émission. Wow. Et on fait pas d'expulsion non, ici. On fait zéro expulsion. On est plutôt contre. une émission sur les expulsions locatives qui s'inscrit dans ce même cadre de cibler les familles dont des enfants ont été condamnés pour les virer de leur logement social. Et c'est vrai que c'était il y a quelques années un peu les expérimentations à la Estrosi et Ville de Droite liées à du trafic de drogue. Bon, maintenant il y a tout ce qui est narcotrafic et peut-être qu'on en reparlera bientôt, mais maintenant ça peut être pour les incivilités et ça s'étend de plus en plus avec l'idée qu'un logement ça se mérite. En tout cas, c'était à peu près tout ça dont on avait envie de vous parler ce soir. Mais on ne va pas vous laisser sur des mauvaises nouvelles, parce que pour finir l'émission, on va vous lire la nouvelle « À plat les murs » de Christophe Soulier, qui a été publiée en janvier dernier sur le site Labog et qui raconte l'attaque de la prison de Limoges la nuit de Noël 1974. Lue par Gomme. Le tractopelle rompt le silence paisible de la campagne limousine, en cette heure tardive de la nuit de Noël. Marc, calé dans le fauteuil à suspension hydraulique, enclenche la troisième. Les 100 chevaux de l'engin le portent puissamment et lentement vers son but. Les néons de la voie express trouent le brouillard. Ils répandent une lumière diffuse. Marc vient de récupérer l'engin qui dormait sur un chantier, au cœur de la zone industrielle nord. Il n'a eu aucun mal à en trouver la clé de contact. Elle était accrochée à un tableau. Son pied de biche, sa plume, a eu rapidement raison de la porte. Maintenant, il roule sur la voie express qui prolonge la Nationale 20. Il va enfin réaliser son rêve. La ville approche. La cité de la Bastide se dresse au fond de sa perspective. L'engin gravit la pente. Le vert du feu tricolore se répand en flaques sur la chaussée humide. Il est tard. Malgré cela, de nombreux petits points jaunes quadrillent les façades grises de la cité. C'est la trêve de Noël. Demain, les prolos n'iront pas travailler. Marc le sait. Il est passé par là, lui aussi. Il longe le cimetière. Il descend l'avenue du Général Leclerc. Il est dans Limoges. L'avenue est toute éclairée. Sur le trottoir, des passants le regardent, sans doute étonnés par la présence d'un engin de travaux publics à 23h, la nuit de Noël. Marc s'en moque. Il passe la quatrième. L'aiguille marque 20 km/h. Il connaît bien son engin. Ça fait juste un mois qu'il est sorti de son stage FPA de conducteur d'engin. L'ambiance n'y était pas marrante. Les enseignants s'y prenaient pour de petits chefs. Ses camarades n'étaient guère plus réjouissants. Leur côté infantile l'avait agacé, agressé même. Sorti du boulot, où ils étaient totalement soumis, il ne pensait qu'à se saouler ou se faire des blagues douteuses. Tout au long de son stage, sa révolte s'était exacerbée. Il avait pris conscience de l'isolement, mais il s'était approprié une technique qu'il mettait ce soir au service de ses désirs. L'avenue du Général Leclerc est longue, et l'engin, même en vitesse de croisière, roule lentement. Tout le long, des panneaux publicitaires rythment sa progression. Ces panneaux clament insolemment le bonheur par la consommation et excluent un peu plus ceux qui ne peuvent consommer. Marc pense aux prisonniers, exclus parmi les exclus. Certains, s'ils ont de la famille, ont dû recevoir leur colis de 5 kilos réglementaires. Demain, ils mangeront la traditionnelle dinde surgelée servie dans toutes les prisons de France. Mais demain, à Limoges, par l'action de Marc, elle prendra peut-être une autre saveur. Le tractopelle, avec ses 100 chevaux, roule lentement et fait un bruit épouvantable. Et Rivera, encore éveillé, alourdi par leur réveillon, n'y prête aucune attention. Marc continue, déterminé. Il s'engage place Carnot, fait le tour du rond-point, passe devant la vieille halle et attrape la rue François-Chaigneux. Sur le trottoir, des fêtards éméchés marchent péniblement. Ils gesticulent et chantent de bon cœur. Marc ne se sent pas concerné. Dans ce moment présent, il a une distance aux choses qu'il n'a pas dans une situation normale. Les vitrines de nombreux magasins sont illuminées et clignotent au rythme des guirlandes électriques. Il longe la faculté de médecine qui dort, protégeant la morbidité de ses salles de dissection et la morosité de ses amphis. Sur le mur, un bombage. Désarmons le béton. Marc le connaît déjà. Il l'avait découvert lors du repérage de son parcours. Il se marre tout seul. C'est de la provocation. Le béton, il va s'en occuper. Il est là pour ça. Si ça marche, il y en a qui ne sont pas prêts de l'oublier. Devant la caserne de la Visitation, la sentinelle ne fait pas attention à lui. Triste et endormie, elle attend la fin de son service pour rejoindre le poste de garde d'où parviennent des bruits de fête et de rigolade. Au bout de la rue, Marc aperçoit la place Denis Dussou tout illuminée. La ville semble un peu reprendre vie. C'est la fin des séances de cinéma. Les derniers spectateurs sortent frileusement. Ils ne s'attardent guère sur la place. Derrière les vitres embuées du café de Paris, des consommateurs sont attablés. Le but approche. Marc n'est pas très à l'aise. La tension monte. Il n'aimerait pas se retrouver face à une patrouille de flics. Comment pourrait-il expliquer sa présence sur un bulle, d'autant plus qu'il est piqué ? Heureusement pour lui, ceux-là aussi pensent que c'est la trêve et font plus ou moins la fête dans leur commissariat. Marc a peur, mais il est déterminé. Il peut laisser tomber son projet, partir. Il n'a de compte à rendre à personne. Il continue. Il rétrograde en troisième pour aborder la place. Ses yeux inspectent, interrogent chaque vitrine, chaque passant. Il sait ce qu'il a à faire. Il n'aimerait pas échouer si près. Il se souvient de ces militants Mao qui avaient investi Fauchon au moment de Noël et qui l'avaient pillé. Ils avaient distribué ensuite les boîtes de foie gras dans les bidonvilles de Nanterre. Marc était lycéen à ce moment-là. Il avait suivi cette histoire par la presse. Ce geste lui avait beaucoup plu. Quand il avait monté son action de ce soir, il donnait à son geste la même signification que celle qu'il avait attribuée au Mao à l'époque. Il remonte le boulevard Victor Hugo. Sur sa droite, le café de la Poste, chez Dudule pour les habitués, dort paisiblement. Après-demain, il y retournera, si tout se passe bien. C'est le café où il se sent bien, un peu sa maison même. Le poêle au milieu de la salle lui réchauffe le cœur par son odeur de bois brûlé. Ici, il y a toujours un copain pour discuter ou jouer aux échecs. On y trouve toutes sortes de personnes et de denrées, y compris du shit. Mais ce n'est pas le moment de s'attendrir. Marc oublie tout ça et se crispe sur son volant. Il tourne à droite et débouche en plein sur le champ de foire, la place Winston Churchill. La prison se dresse, banale, 200 mètres plus loin. Son long mur gris et hermétique ferme la perspective. Marc repasse la quatrième et traverse la place. Il est près de minuit. Elle est déserte, hormis quelques voitures qui y dorment chaque nuit. Marc poursuit son avancée. Il a mal au ventre. Tous ses sens sont à fleur de peau. Il n'a plus envie de rire. Il se dirige jusqu'à la porte principale. C'est à cet endroit qu'il a choisi de frapper. Il se met en face. Par une manette, il abaisse le godet jusqu'à un mètre du sol. Il s'arrête. Il passe la première et fonce. Il emboutit la porte métallique avec force. La porte cède. Marc a envie de partir, d'en rester là. Mais la rage le prend. Ça a été trop vite, trop facile. Il fait marche arrière et attaque le mur. Le vacarme reprend. Une partie du mur s'effondre. Les pierres tombent autour de lui. Il n'y fait plus attention. Il poursuit consciencieusement son travail. Le trou est béant. Il découvre la cour d'honneur de la prison. À 150 mètres, un automobiliste médusé a assisté à la scène. À l'intérieur, aucune réaction. Les gardiens doivent cuver leur réveillon, ou bien ils sont morts de peur, pensant à une attaque généralisée de la prison. Cette prison dont la porte est enfoncée pour la deuxième fois dans son histoire. La première fois, c'était le 19 avril 1905. Des ouvriers l'avaient attaqué pour libérer leurs camarades. Ils avaient défoncé la porte avec un bélier. L'armée avait tiré. Un jeune ouvrier de 20 ans avait été tué par des balles françaises pour reprendre l'épitaphe gravée sur sa tombe. Le grand-père de Marc l'avait amené, quand il était gamin, voir cette tombe, au cimetière de Louya, à Limoges. Marc s'en souvient comme si c'était hier. Ce soir, à lui tout seul, il a fait mieux que la cinquantaine d'ouvriers avec un bélier. Cette brèche énorme révèle le mur si anodin d'ordinaire, ce mur qui permet l'enfermement. Pourtant, ce mur, à lui seul, n'est rien. C'est tout ce qu'il cache qui fait la prison. Lui s'est attaqué au mur, et c'est, pense-t-il, aux prisonniers eux-mêmes de s'attaquer à ce qu'il y a derrière. Il enclenche la marche arrière. Il s'arrête. Il passe la marche avant. Malgré la trêve, il ne faut pas rêver. Il faut penser à s'arracher. Les flics vont sans doute appliquer sans tarder. Il descend la place et s'engouffre dans la rue Bernard Palissy. Il s'arrête un peu plus loin. Il sort de sa cabine. Il remet son blouson et son écharpe. Il est pressé de déguerpir. La mobylette qu'il avait laissée là dans la journée l'attend au même endroit. Personne ne l'a lui a piqué, heureusement. Il l'enfourche et, encore tout excité par sa folle équipée, il disparaît dans la nuit. Il va rejoindre ses potes. Ils l'attendent pour réveillonner. Merci Gomme pour la lecture de cette nouvelle et le montage. Je pense qu'on peut, sans trop avancer, dire que c'est un énorme banger. Voilà, ça nous a fait trop plaisir de l'écouter et de la passer. C'est la fin de cette émission 86 de Carapatage. On va se retrouver le 16 avril dans 15 jours pour la prochaine émission qui sera sur la désertion et les déserteurs. Et puis avant de se quitter, on s'écoute Sieben Kilo Testo de Kersosin 95. Et puis bah, on souhaite beaucoup de force aux personnes qui sont à l'intérieur et qui nous écoutent. Voilà, force, bonne soirée, merci d'avoir écouté. Bonne nuit, on va aller mettre la viande dans le torchon. Sieben Kilo Testo Injections auf dem Tisch. Viralo, meinen Schwanz, ich bin rich. Translobby läuft gut, danke. Translobby finanziert Plan. Und inzwischen gibt es eine riesige Welle, sozusagen eine Transmode. Deine Mutter von der ÖVP ist meine neue Bitch. Sie liebt die Wirtschaft, aber sie liebt auch Kitsch. Homo National ist mein King. Ich ist die Flagge und zahle einen Drink. Geld macht zufrieden, aber Trans macht glücklich. Sie kauft eine Session bei mir und zwar stündlich. Probe Monat gratis, sie ist mir sympathisch. Ich hab meine Titten operiert, weil mir fad ist. Transsexuell, c'est vraiment à la mode. Schau dir meinen Dick an im Mikroskop. Ich hab trois Gender, aber nur ein Trick. Fuck me good and I will. Ich brauch neue Kunden. Ich will eine Mami. Ich mach zu viel Stunden. Sie hat zu viel Money. Die Kontakte juicy, das Konto yummy. Ich bin nicht wie Gucci. Nein, ich bin gute Quali. Sieben Kilo Testo Injections auf dem Tisch. Viralo, meinen Schwanz, ich bin rich. Translobby läuft gut, danke. Translobby finanziert Platte. Sieben Kilo Testo Injections auf dem Tisch. Viralo, meinen Schwanz, ich bin rich. Translobby läuft gut, danke. Translobby finanziert Platte. Guten Tag, ja, ich bin ein kleiner Antichrist. Bring mir nice Päckchen, gib die Salbe auf den Tisch. Schlägerei auf der Straße, frag mich, wer es ist. Katrin und Sophie streiten sich um mein Gesicht. Guilty Pleasure Marathon, alle wollen Trans-Bodies. Trans-Lovers, nice Hookups, nice Trans-Body. Nice Politics, ja, wir sind extrem funny. Nice Education gratis, nice Trans-Partys. Million Dollar Accessoire für den Lebenslauf. Hetero, flexible, Girls stehen drauf. Ich hab Trauer-Tender, aber nur ein Trick. Fuck me good and I will. Ich brauch neue Kunden. Ich will eine Mami. Ich mach zu viel Stunden. Sie hat zu viel Money. Die Kontakte juicy, das Konto yummy. Ich bin nicht wie Gucci. Nein, ich bin gute Quali. Sieben Kilo Testo Injections auf dem Tisch. Viralo, meinen Schwanz, ich bin rich. Translobby läuft gut, danke. Translobby finanziert Platte. Sieben Kilo Testo Injections auf dem Tisch. Viralo, meinen Schwanz, ich bin rich. Translobby läuft gut, danke. Translobby finanziert Platte. And just have these and these. And yeah, we can improvise a little bit. Yeah, I'm fucking funny. I have to look away. Oh my god. Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire. En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur. En échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages.